Bonjour à tous, c'est Aurélien. On se retrouve pour ma chronique hebdomadaire. Donc cette semaine, mon coup de cœur, c'est un animé. C'est l'animé d'un manga sorti en France vers 2002-2004, donc c'est assez vieux, même si l'anime est assez récent. J'ai nommé Parasite. Donc moi, perso, je vais vous parler que de l'anime, puisque je n'ai absolument pas lu ni le manga, ni les deux films qui vont avec. Donc je ne parlais que de l'anime qui est sorti sur Netflix là récemment, il y a pas longtemps. Tout le reste, film et manga, je ne sais pas, je les ai jamais vus. Donc aucun rapport. Hein. Donc en fait, Parasite, non, je vais commencer par autre chose. Je vais vous faire deux résumés, on va dire. Un résumé pour les personnes à qui ça intéresserait de le voir, et un autre un peu plus développé, mais où je vais spoiler la série. Donc ceux qui voudront éventuellement le regarder, je vous conseillerais de... Je vous dirai quand je ferai le deuxième résumé, mais je vous conseillerais de baisser le son, on va dire, de la radio, pendant une petite minute ou deux. Donc, je vais vous faire le résumé maintenant, non spoiler. Donc en fait, c'est l'histoire de Shinichi, un lycéen absolument normal. C'est un lycéen japonais. Et un jour, il y a des petites créatures à l'apparence de serpents, hein, qui arrive sur Terre, comme ça. Bon, vous allez me dire, ok, ça roule, et alors? Sauf que le truc un petit peu moins rigolote, on va dire, c'est que ces petites bébêtes, elles sont programmées pour prendre le contrôle de notre cerveau. Ah là, c'est un peu moins cool quand même. Du coup, évidemment, ce serait pas drôle sinon, il y a un parasite qui s'attaque à notre héros Shinichi. Donc, elle essaye de rentrer par son oreille, elle n'y arrive pas. Du coup, elle s'attaque à sa main. Et grâce à ses écouteurs, Shinichi arrive à faire en sorte que la bébête, qui s'appellera au fil du temps Migi, reste dans sa main et se développe dans sa main. Donc voilà, c'est cool. Et le truc qui est vraiment bien, c'est qu'en fait, du coup, sa main droite, déjà, aura un œil et parlera. Oui, oui, tout va bien, normal. Et en plus de ça, en fait, ils pourront, comment dire, sa main droite, donc Migi, pourra s'agrandir et se transformer en une sorte d'énorme couteau. Et pourra faire d'autres petites choses plutôt pas mal qui se dévoileront au fil de l'aventure. Bon, et la trame de l'histoire, c'est que du coup, il y a d'autres parasites qui arrivent sur Terre, évidemment. Hein, il y en a beaucoup d'autres même. Mais que les autres parasites ont réussi à prendre le contrôle du cerveau des humains. Donc plusieurs milliers, je pense, peut-être plusieurs millions. Hein, pas beaucoup de monde par rapport à tout ce qu'il y a sur Terre. Et du coup, ils prennent le contrôle du cerveau des humains. Sauf que pour se nourrir, évidemment... Ils vont se nourrir d'humains, hein, c'est pas drôle sinon. Ce qui fait qu'il y a quelques petites boucheries qui se passent en ville. Et Shinichi, qui est un lycéen absolument normal, trouve que le meurtre, c'est pas beau, hein, chose normale. Et du coup, il veut tuer ses petites bébêtes. Donc, des beaux combats à programmer. Hein. Et après, il y a toute une trame assez intéressante autour de ça et de ses amis. Parce que vous devinez bien que sa plus grande peur, c'est que sa famille et ses amis se fassent bouffer par des parasites. Ce qui serait un tout petit peu embêtant qu'on se le dise quand même. Donc voilà, ça c'était un petit résumé pour ceux que ça intéresse de le regarder. Donc cet animé, on peut le visionner sur Netflix, Crunchyroll et d'autres sites de streaming. Même si le streaming c'est pas bien. Et pour l'instant il n'y a qu'une seule saison de 24 épisodes, si je ne m'abuse. J'ai vu quelque part une saison 2 mais je suis pas sûr du tout. Donc à prendre avec des pincettes ça aussi. Donc maintenant... Pour ceux que ça intéresserait, et je conseille très fortement cette série, veuillez baisser le son de votre radio si vous ne voulez pas être spoilé sur la suite de la série. Puisque je vais vous faire un résumé un petit peu plus descriptif, on va dire. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Bon. Donc, au début de la série, voyez-vous, déjà Shinichi, il commence à stresser les premiers épisodes. Parce que vous devinez bien qu'une main qui commence à parler et à s'agrandir, on va dire, c'est pas commun. Hein. Et la réelle trame, on va dire, arrive vers l'épisode 4, 5, 6, quand sa mère se fait tuer par un parasite, c'est pas drôle sinon, le parasite prend le contrôle de sa mère, et après du coup, sa mère qui est parasitée vient tuer Shinichi. On va se dire génial. Bon, du coup, en fait, Shinichi n'arrive pas à se défendre, du coup elle se fait arracher le cœur. Parce que pour les tuer, il faut se faire arracher le cœur. Et donc vous imaginez un peu le délire, hein, le lycéen qui se fait tuer par sa mère. Ouais, génial. Sa mère qui n'est plus vraiment sa mère. Hein. Du coup, en fait, Migi, sa main droite, va reboucher son cœur. Genre, en fait, elle va enlever une partie d'elle-même pour reboucher son cœur. Oui, c'est un peu bizarre. Sauf que ce qui fait qu'au fil de l'histoire, Shinichi déjà arrive à faire des sauts de 3 mètres, arrive à avoir une vitesse décuplée x 3 ou 4, enfin tous les trucs un petit peu cool comme ça. Mais surtout, tous ses sentiments partent, parce que de base, les parasites n'ont pas de sentiments. Et on voit à l'épisode 2 ou 3, quand il y a une boucherie, rien qu'une seule boucherie, il est déjà hors de lui. Il y a l'épisode genre, là je suis à l'épisode 15, sa mère est morte, sa meilleure amie est morte, et lui il se dit, ah, ils sont morts, ok, go tuer les autres parasites. Littéralement, ses sentiments partent tranquillement. Alors que Migi, elle, elle est en train de, pas vraiment d'en attraper, mais de prendre, si en fait d'en attraper, il commence à avoir des sentiments. Donc c'est un peu une inversion des tendances, et on voit au fil du temps notre héros... de plus en plus comment dire annihilé de ses sentiments donc c'est plutôt pas mal et en plus on voit du côté des méchants on va dire parce qu'il y a déjà un côté méchant gentil qui s'est créé au sein des parasites la team des méchants on va dire qui commence déjà à être intelligent puisque ils ont compris que tuer des gens ne c'était pas bon du coup ce qu'ils font c'est quand ils deviennent maire de la ville. Comme ça, ils peuvent tranquillement faire des petites boucheries au calme, sans que personne ne s'en occupe. Ils prennent le pouvoir, carrément. Ouais, ils sont pas cons, hein, ces petits parasites. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai pas fini la série, donc je peux pas trop vous dire la suite de ce qui va se passer. Mais on sent qu'il y aura des bonnes choses de programme, on va dire, pour la suite. Bon, voilà. Donc, Parasites, série encore en cours de production. La série, évidemment, puisque le manga est fini depuis très longtemps. Donc je vous conseille très fortement. Comme j'ai dit avant, je vais me répéter, il n'y a que 24 épisodes pour l'instant, pas de saison 2 je crois, et elle est disponible sur Crunchyroll, Netflix et pas mal d'autres plateformes de streaming en ligne, même si le streaming c'est pas bien, faut pas y aller. Enfin je crois, non. Voilà, voilà. Bon, ben, c'était Aurélien, j'espère vous avoir fait découvrir un nouvel anime qui est plutôt pas mal, qu'on se dise. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes, et à la semaine prochaine.